chanter, les yeux fermés, pour mieux te voir. La fin d'un gros trou noir, oublie la mémoire d'un geste improvisé. Mon âme, voulez-vous danser? Que l'écorce, la forme déguisait la force. Moi je brûle de la tête aux pieds. Mon corps, veux-tu me laisser? Ooh, la la la.